Les camions ne sont plus les tracteurs. Derrière ma maison, les champs en fleurs. La circulation crée des hauts le cœur. Les ordinateurs font des clins d'œil. Communication dans un cercueil. L'horizon est fade, l'arbre sans feuilles. Autant que j'aille, autant que j'aille, autant que j'aille, parcourir le monde et quitter l'immonde. J'ai dit 1, 2, 3, nous irons au bois. J'ai mis 4, 5, 6, cueillir des cerises. J'ai dû 7, 8, 9, dans mon panier 9. Les grands parents au mieux, elles seront toutes rouges. Et si maintenant je souligne le soleil qui scintille dans les jardins secrets, je ne veux plus être tourmenté. Que vienne l'été, chakras qui s'aligne dans des postures immobiles. La vie n'est pas tout à fait tranquille. Je préfère encore m'unir à moi. La ville est sans vue positive. Je rêve d'une vision bien naïve, d'une nature humaine contemplative. Ça me paraît bien futile. Je cherchais en vain exil. Le yoga me paraît utile. Autant que j'aille, autant que j'aille, autant que j'aille, parcourir le monde et quitter l'immonde. J'ai dit 3, nous irons au bois. J'ai mis 4, 5, 6, cueillir des cerises. J'ai dû 7, 8, 9, dans mon panier 9. Des grands parents au mieux, elles seront toutes rouges. Et si maintenant je souligne le soleil qui scintille dans les jardins secrets, je ne veux plus être tourmenté. Que vienne l'été, chakras qui s'alignent dans des postures immobiles. La vie n'est pas tout à fait tranquille. Je préfère encore m'unir à moi.